Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1985, l'atelier de création radiophonique de France Culture diffusait un long documentaire en deux parties consacré au cinéaste Robert Flaherty. Après s'être dans le premier volet intéressé à son film le plus célèbre, Nanook l'Esquimau, c'était autour de deux autres films importants, L'Homme d'Aran et Louisiana Story, que dans le second, le réalisateur franco-canadien Jean-Daniel Lafont prolongeait son voyage dans la vie et l'œuvre de Robert Flaherty. Un documentaire dans lequel on entendait la voix de son ami Jean Renoir, qui témoignait de la généreuse personnalité de Flaherty, grâce auquel il avait pu rejoindre les États-Unis pour y séjourner durant l'occupation. ACR, Atelier de création radiophonique. Robert Flaherty, prospecteur et cinéaste. Ou Le rêve d'un prince. Journal d'une poursuite, par Jean-Daniel Lafont. J'aime beaucoup la manière dont Renoir, poursuite dans les archives cette fois, cherche dans les archives, puis des fois tu trouves des choses étonnantes. Renoir parlant de Flaherty. Et finalement, je m'aperçois que la dernière fois où Renoir a vu Flaherty vivant, c'est dans une poursuite quasiment, là aussi. Et quand il traverse l'immeuble. Voilà, et Flaherty, je me suis fait raconter plusieurs fois depuis d'ailleurs, et puis j'ai rencontré des gens à New York qui le connaissaient bien, enfin qui le connaissaient relativement bien, mais qui n'avaient rien à voir avec son cinéma, qui le connaissaient comme personnage, allait effectivement toujours comme ça dans la vie. Pas simplement à New York, c'était un urbain, terriblement urbain, on ne le savait pas ça, on pense qu'il arpente simplement des territoires sauvages. Mais il arpentait l'urbain comme on arpente une forêt, c'était la forêt urbaine. Il allait de couloir en couloir, il ne prenait pas les rues, il traversait les immeubles, etc. Il semait tout le monde. Je veux dire qu'on peut dire qu'il nous a semés d'un bout à l'autre, et quand c'est un peu comme Renoir, quoi. Il semait Renoir, mais Renoir trouvait un taxi. Nous, on a pris un taxi d'un bout à l'autre, je veux dire, on a essayé de... était à la remorque. Suivez ce taxi d'un bout à l'autre. Suivez cet homme. Suivez cette voiture. C'est un peu l'histoire de ce journal d'une poursuite, qui en même temps le rêve d'un prince, Flaherty. Oui, et le prince, alors, c'est celui qui peut-être quand même s'amène dans une réalité très lointaine avec tout son matériel, avec ses studios, et qui, d'une certaine manière, quand même arrive à figer un peu les choses devant lui. Et à ce moment-là, il n'y a plus tellement de fuite. Il y a un moment d'arrêt, il y a un moment... Ah oui, c'est d'ailleurs ce que Flaherty est un homme qui fuit sans arrêt. Je veux dire, il changeait de lieu quasiment tout le temps. Ses lieux fixes, réellement, c'était pas la ferme du Vermont où il est allé plus ou moins mourir, mais... C'est sa femme qui l'a acheté, elle est habitée par sa fille, mais sa fille elle-même, Monica, qui se prend vraiment physiquement pour son père, pour tout, à tous les niveaux, dit elle-même qu'elle a toujours connu l'hôtel seulement. Donc ils se sont toujours... Et il est en Allemagne, en Italie, un peu partout. C'est un aventurier. Il voyageait comme un prince et aventurier à la fois. Et il vivait très largement, il avait une cour, etc., etc. Donc il avait quelque part un château dans le Vermont, si l'on veut. Enfin, une grande maison dans le Vermont, mais qui est une très belle propriété au demeurant. Et donc, il était toujours dans la course, dans la poursuite. Mais en même temps, c'est son rêve qui l'imposait partout. C'est-à-dire, c'est son scénario, absolument. C'est un homme d'autorité fabuleuse. Et qui, finalement, avait... Je ne savais pas, moi, que Flaherty, ça voulait dire en gaélique, donc, qui se comporte comme un prince, qui se conduit comme un prince. Mais je veux dire, il se conduisait comme un prince. Et par rapport à la réalité, et par rapport aux autres, un grand seigneur aussi, au demeurant. Je veux dire, mais comme un prince. Alors, peut-être que c'est aussi cette manière d'être un metteur en scène. Mais lui, là, c'était un metteur en scène de droit naturel, si l'on peut dire. Tout ça me gêne chez lui, mais en même temps, c'est fascinant. Je trouve que, franchement, c'est fascinant, ce type de comportement par rapport à la réalité. C'est-à-dire, la réalité lui échappe de toute évidence, mais il ne cesse de la poursuivre, et ce qu'il y a au bout de sa poursuite, c'est sa poursuite. Et ça, il la gère bien. Il gère sa poursuite d'un bout à l'autre, et tous ses films, c'est ça. Alors, l'île d'Arran, c'est vraiment le bout du mythe. Et en même temps, pour Flaherty, c'est un sacré parcours, parce que c'était vraiment le bout de son mythe à lui. À Arran, il n'en avait rien à faire au départ. Il ne voulait même pas y aller. Il n'y avait rien qui l'attirait, hein, rien au départ. Puis, il s'est senti soudain dans ses éléments. Sinon, il n'aime pas ce climat-là. C'est un gars des îles Samoa, après. C'est un gars de la lumière, après tout. Que tu sois dans l'Arctique ou que tu sois dans le Pacifique, c'est la même lumière. Étonnamment. C'est une lumière brusque, brutale, violente. Là-bas, c'est l'inverse. Alors, il fallait qu'il cherche ses grands mythes. Les requins, les tempêtes, le combat avec la mer. Mais il n'y avait rien de tout ça au départ. Et il n'y a toujours rien de tout ça. Les gens ont vécu une grande aventure avec Flaherty qui a duré 2 ans, un grand mythe fabuleux, et puis ils sont sur la grève, dans tous les sens du terme, quasiment. Ils sont sur le sable, et puis ils sont quasiment sans travail, ils sont sans grande mythologie aujourd'hui. Enfin, je dis ça très vite, mais c'est quelque chose qui me passionnait complètement, et nous y sommes allés comme cela. J'ai essayé de reconstituer cette manière d'aller à Arran. Robert Flaherty, prospecteur et cinéaste, ou Le rêve d'un prince, journal d'une poursuite. Un film radiophonique de Jean-Daniel Lafont. Deuxième partie. 1931. Robert Flaherty quitte New York et se rend en Europe. Sur le bateau qui le conduit en Angleterre, un jeune Irlandais de Cork lui parlera pour la première fois des îles d'Arran. Juillet 1983. Galloway, Irlande. 8h, le Galloway Bay s'éloigne du quai numéro 2, en direction des îles d'Arran. En 1932, Robert Flaherty sur le Don Angus allait préparer le tournage de L'Homme d'Arran. La réalité d'Arran devenait opaque, comme si le film de Flaherty et Flaherty lui-même s'interposaient. Qu'allions-nous chercher à Arran? Quelles traces? Quel décor? Quel témoin? Flaherty nous échappait. La biographie s'estompait, ne résistait plus au poids des choses. à la brume légère qui flottait sur l'océan. À Paris déjà, dans les jours qui précédèrent ce voyage, le hasard commença à brouiller les cartes. Claude Lafaille, cinéphile, amoureux de Flaherty et de l'île d'Aran, mêlait étrangement le film et la réalité. Et la première secrétaire de l'ambassade d'Irlande s'appelait Claire O'Flaherty. Je suis allé à Aran à cause de Flaherty Robert, à cause de l'homme d'Aran, et à cause aussi d'un film qui s'appelait un film de Ford. Claude Lafaille. Le film avec la célèbre raclée de Maureen O'Hara, L'homme tranquille. Et le paysage m'avait absolument fasciné. Puis, l'Irlande, on a en tant que Français des rapports assez étroits au moment de la Révolution, les généraux français qui sont allés pour essayer d'aider les Irlandais à être indépendants, enfin bref. Je viens à la recherche de Robert Flaherty, je viens à la recherche aussi d'un pays qui avait produit, parmi beaucoup d'écrivains, un homme qui s'appelle Singh, qui avait écrit une des plus belles pièces du théâtre contemporain, c'est « Le baladin du monde occidental ». Pièce de théâtre qui a été écrite par Singh aux îles arabes. L'île d'Aran, même pour les Irlandais, représente quelque chose de très spécial. Et ça aussi fournit d'inspiration aux autres écrivains et artistes. Parce qu'il faut voir, par exemple, Singh, le grand dramatologue irlandais, qui a tiré une inspiration très importante des îles d'Aran. Alors, il y avait déjà quelque chose dans toutes les Celtic Revival, ou les Celtic Renaissance, du commencement du XXe siècle, quand Yeats, Lady Gregory, Singh et beaucoup d'autres écrivains commençaient à regarder avec les yeux de gens anglophones, mais toujours irlandais, ce monde gaélique qui s'est perdu, l'île d'Aran représentait quelque chose, une réserve, une source intacte et pure. Claire O'Flaherty. Pour nous, même si ce n'était pas le cas pour Robert Flaherty même, pour nous, c'est tout à fait possible de voir le film Man of Aran, et je dis en tant que non-expert d'histoire du cinéma, c'est tout à fait possible de voir Man of Aran comme une continuation peut-être de tout ce regard sur l'île d'Aran. Ça représente à la fois quelque chose, un traitement tout à fait nouvel, mais à la fois, mais un autre regard sous une île, sous une zone où la culture irlandaise, gaélique, est intacte, un autre regard, dans une autre façon. Le Man of Aran est quelque chose d'important, ça a presque une résonance mythique pour nous. And gentlemen, Could I have your attention, please? CIE welcomes you aboard Galway Bay for your trip to the Aran Islands and wishes you a most pleasant journey. Il y a une possibilité d'imagination, une possibilité de rêve qui est extraordinaire. Et le pays l'y amène à ça. Moi, j'avais envie surtout de retrouver un pays qui appartenait à la légende. Dire, comme Ouessant, comme Malte il y a quelques années, ce sont des pays qui font partie, pour des gens d'une certaine culture, qui font partie d'un domaine à la fois de la réalité et du mythe. Aran, c'est tout un monde. Le hasard, peut-être. Sur le pont du Galway Bay, une fille de Montréal, Jan Maloney, chanteuse et musicienne ancienne. Moi, je trouve ça très drôle de se retrouver là, sur le bateau, sur le bateau des îles d'Aran. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je ne sais pas. Peut-être prendre des photos, puis prendre des marches. Mais tu connais? Ça, c'est la première fois. Et pourquoi tu vas là? Parce que c'est une section irlandaise, une section de la pays d'Irlande, qui c'est vraiment traditionnelle. Les personnes là-bas parlent en irlandais, le langage celtique, la musique c'est traditionnelle. Puis je pense que ça c'est vraiment l'ambiance d'Irlande. Les chansons, c'est typique irlandais. Il y a une sorte de musique, Sean Knows. C'est la musique très ancienne. Ça, c'est peut-être la dernière place où les personnes chantent comme ça. Et toi, tu es musicienne? Oui, musicienne ancienne. Je pense que la musique là-bas, c'est la musique traditionnelle d'Irlande. C'est plus proche que la musique de la Renaissance, avant la Renaissance peut-être, avant l'influence de l'Angleterre, de France, des pays classiques. Peut-être ça, c'est la vraie musique de les personnes. C'est l'essence de les personnes. Ouais. D'après toi, là-bas, est-ce que la vie est encore une vie traditionnelle? Oui, vraiment. C'est la dernière place en Irlande que les personnes parlent en irlandais, qui portent les vêtements d'Irlande, des jupes, puis des brettes. C'est un châle. Un châle? Oui. Les personnes portent des bottes. C'est incroyable, ça s'appelle pampoutis. Mais ici, de cuir et fait à main. Est-ce que toi, tu connais, enfin sans doute, le Robert Flaherty, le cinéaste, qui a fait un film qui s'appelle Man of Aran? Man of Aran, oui, il est 1950, je pense, 55. Avant même. Avant? 1932-33. Est-ce que tu l'as vu? Oui, ça c'est le premier contact avec des personnes de la reste de le monde. C'est incroyable. Avec des Américains? Oui, vraiment. C'est bon, ça c'est une raison que je vais aller. À la barre, le capitaine Patrick Cantwell, la soixantaine corpulente. Oui, il connaît bien le film. Oui, il a rencontré Flaherty. Un bon film, un brave homme. Mais les choses ont bien changé depuis. Man of Aran, oh yeah, that's Flaherty, yeah. Yes, you know Flaherty? Well, I did know him, Did you meet him? Est-ce que vous avez rencontré Flaherty? Oh, yes, yeah. Oui, il y a quelques années. No, yeah, well, no, not on this ship, no, on other ship. Non, pas sur ce bateau, mais sur un autre. In Aran, yeah. Oui, à Aran. What do you think about it? About the film, It was a good, yeah, it was a good film, but you won't see that kind of thing today, you know. C'est un bon film, mais on ne voit plus rien de tout ça aujourd'hui. Humorous as they were then. And they don't fish for shark anymore. On ne pêche plus le requin aujourd'hui. Corks, you know. They use the harpoon gun now, and there's only one boat doing it. Il n'y a plus de harpon. Il y a juste un bateau qui fait cela, c'est tout. There's no. And there is a big gap between the film. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ce qui s'est passé hier et aujourd'hui? Une bonne partie de la vie traditionnelle disparaît. Juste les vieux qui cherchent à conserver les traditions. The clothes that they wore years ago, but very few of them now. An Inish man, you would see it more than an Inish Moor, and also an Inish Shear. Sorry. Play by, Galway Bay to play by. Are you on there, Thurlock? Over. Play by, Galway Bay to play by. Dree Thurlock, over. Galway Bay, play by receiver, you over? Good morning, Galway Bay here. Will you tell Thurlock, please, that nothing came this morning, nothing came for him this morning. Over. Okay, I will give that message off. Okay, look, thanks very much now. Bye-bye, cheerio. Back to 16 and turning by. Thank you. Était d'accès extrêmement difficile. Autant que je me souvienne, je crois que j'ai débarqué directement sur le... Je suis descendu directement du bateau sur le quai. Je crois. Mais en tout cas, très peu de temps avant, on était encore obligé de passer par l'intermédiaire de ces espèces de canaux en peau de vache tendue. Curlach. C-E-L-L-A-C-H. C'est le bateau qui est traditionnel des Connemara et d'Arran. Et c'est pas un bateau qui est employé pour faire, disons, le service commercial, le voyage entre Arran et Galway, mais c'est le bateau qui est fait dans les îles d'Arran et à Connemara, en famille, traditionnellement. Aller aux îles Arran entre 54 et 58. Il y a trois îles, il y a Inisher, Inishman et Inishmore. Je ne sais pas si je l'ai dit dans l'ordre. Trois îles. Inishmore, Inishman, Inishbjerg. Inishmore, c'est le grand, parce que Moore en irlandais, c'est grand. Bjerg est petit. Et Man, c'est le moyen. La première, donc, était une île totalement inhabitée. On ne s'arrêtait pas, on passait devant. La seconde, on faisait une escale. Et après, on arrivait à la troisième île. Et alors, la troisième île, il y avait, à l'époque, un seul et unique hôtel avec l'électricité. Il devait y avoir 2 heures par jour d'électricité, quelque chose comme ça. C'était un... Alors, j'aurais imaginé que la réalité de Arran aurait changé des années 30. Et alors, j'attendais pas en 66 quand je suis débarquée pour la première fois. Je suis absolument incapable de savoir si j'ai vu le film avant ou après et qu'est-ce que j'ai comme souvenir, si c'est ceux du film ou ceux de ce que j'ai vécu. J'ai l'impression que ça a changé, mais quand même pas énormément. C'était exactement la même chose. Des gens qui continuaient à vivre, je pense, comme on vivait au 19e, au 18e, au 17e, au 16e siècle. Des gens qui vivaient du produit de ce qu'ils pouvaient faire, un pays qui n'avait pas d'électricité. Moi, je montais dans ma chambre avec un bougeoir, avec des bougies, et sur la table de nuit, il y avait une petite veilleuse pour le cas où j'aurais eu à me lever la nuit. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Il y avait une grande citerne dans laquelle on avait mis, m'a-t-on expliqué, deux anguilles, parce que les anguilles bouffent tout ce qu'il y a comme détritus qui pouvait tomber dedans, c'était de l'eau de pluie. Et deux, parce que si l'une meurt, l'autre la mange aussitôt. Ah. Et c'était ça l'eau potable qu'il y avait à Arad, il n'y avait pas autre chose. Pas de radio, évidemment pas de télévision, pas de voiture. Il y avait en tout et pour tout une motocyclette assez puissante qui appartenait au gardien de phare qui habitait au port et le phare était naturellement à l'autre bout de l'île. Pour le reste, on circulait à pied ou en carriole ou sur les ânes ou sur les chevaux, mais c'était exactement l'homme d'Arad. L'impression physique, et il y avait la grandeur des paysages, il y avait les gens qui, je trouve, ont une certaine grâce tout à fait naturelle. Du film, je gardais l'image de la jeune femme, Maggie. Maggie Diran. Visage de Madone sous son châle noir. Corps courbé sur le ballot de Varek. Ambre luttant contre la mer pour sauver le dernier filet de pêche. Ce soir-là, nous avions rendez-vous au pub avec un pêcheur qui la connaissait bien. Sur notre chemin, un couple. Elle s'appelle O'Flaherty. Et fut la voisine de Maggie à l'époque du film. Lui est originaire d'Aran et vit aujourd'hui à Dublin. recording monkeys. Well, what did you think? What did you think of Flaherty's film? Qu'est-ce que vous pensez du film de Flaherty? Yeah. No, I don't mind. Why would I? You think she was foolish? I think she was very foolish. Je pense qu'elle était complètement insensée de faire cela. And she was a young mother. And if anything had happened to her, what would her family do? C'était une jeune mère et si quelque chose lui était arrivé, c'était catastrophique. You know? And she went through all that risk, you know. That was true. That happened. Elle a pris des risques terribles. Well, and they asked her to do it and she didn't see the danger. And she did it. She didn't understand the danger. Elle l'a fait malgré le danger. Elle ne comprenait pas le danger. No, she didn't understand. She didn't know that much about the fair place back in Mongolia. That happened to her at the very end of the island. Yeah. So, if somebody asks you the same thing now... Oh, no, they wouldn't know. People are... Well, like they're better off and they're not as poor as they were in them days. And they wouldn't risk their life like she did. At that time, I si on me demandait de faire la même chose maintenant, je ne le ferais pas. You know, not for the money. Not for the money. You're accusing O'Flaherty of exploitation. Well, tu n'accuses pas O'Flaherty d'avoir exploité les gens. He gave people work. He gave them non, non, il a donné de l'argent aux gens. So, il he shouldn't put her on that risk. Mm, he ils ont pris trop de risques pour ça. Do a stunt woman. Exactly. Ah, il en a fait une véritable cascadeuse. Mm. Where was she any relative of yours? Maggie Duran. Yeah. Well, she was my next door neighbor. C'était ma voisine, Maggie Duran. But no relations. Did you meet Flaherty? Oh yes, I remember him well. I remember him on the island. Oui, j'ai rencontré Flaherty, je me rappelle. There's no relation between O'Flaherty, you no, and no, Flaherty. No, no, no. But I wonder, was he a Flaherty? Non, je me demande vraiment s'il s'appelait Flaherty. He wasn't. Just that he... Non, on a toujours dit que ce n'était pas son vrai nom. Il a pris le nom uniquement pour venir sur l'île, mais ça, je ne peux pas le prouver. Mary, what risk was did that lady with the mother with the family take? Sure was she wasn't going to be drowned. She was only for the man that saved her. King, he just caught her like this, gripped her by the hair and pulled her and dragged her. She'd go off by with the tide only for him. Oh, goodness, yeah. Yes, they were back in Bangola, you know, out in Okoroch. Yeah. And she was trying to save this net, you know. Yeah. Ah oui, elle a pris des risques dans la scène où elle récupère le filet de pêche. Elle a failli se noyer, on l'a rattrapée par les cheveux. So they were trying to save the net. This was supposed to be, you know, for the film. Yeah, I know. And she went out to ouais, c'était pour le film, ça. C'était le filet qui servait l'action. Came along an actor. Yeah. But you didn't like the film? I did like the film very much. Oui, j'aime le film. I thought it was very good, but the Aran Islands wasn't like that. And then un très bon film. The Aran Islands was most like this, but there wasn't so many new houses. We had no electricity. But it was like this. The land was as good as it is today, but they picked out l'île était comme ça, effectivement, mais... To show ye how the land was made in Erin. But I never saw land made in Erin that way. You know, and... Mais Flaherty a pris... Just to make il a pris le pire, il a montré le pire. C'était pour faire un film, c'est pour faire des images d'abord. We were making something for people to watch and to look at. Exactly. I mean, it wasn't a documentary. No, I never thought it was a documentary. C'est un spectacle, c'est tout. C'est pas un documentaire, ça n'a jamais été un documentaire, j'ai jamais pensé cela. And to me, it was... I was proud and delighted to see a film being made in Ireland. Tu étais très fier de voir ce film autrefois. J'étais très fier de voir qu'on avait pu faire un film comme ça à l'île d'Aran. It is a feature for you. Yeah. That was all. I mean, c'était aussi bon que n'importe quel film fait en Amérique. Because c'est une fiction, quoi. The lady actress was Mary's next door neighbor, and Mary felt that she shouldn't have taken the risk. But how much money did she get, Mary? Well, I couldn't really combien tell d'argent a-t-elle reçu, Maggie? At the time, she needed it. She was a poor woman. I know. Je ne sais plus, mais elle en a reçu, mais elle en avait besoin. C'était une pauvre femme. But you see, Flaherty brought the Aran Islands very much to the fore. C'est sûr que Flaherty a beaucoup apporté à l'île. Il a apporté de l'argent, mais aussi il l'a fait connaître. Sane's book on the Iron Islands. That'll be written, about 1850. Yeah. And that he was depicting life. Mais il a dépeint une vie qui était comme dans le passé. C'était pas vraiment la réalité. That was a good film. That was my impression that the location. Oui, il a simplement tourné ici à Arran plutôt que tourner à Hollywood, mais c'est. C'est la même chose, c'est un très bon film, mais c'est un film de fiction. Enfin, moi j'étais très content de voir que. Bon, on pouvait faire aussi bien que les Anglais, quoi. Well, what do you think of the lovely girl I'm taking out for the night? Yeah. It is nice. It is a very nice islander. No? Yeah. You are true, Emily. No. I'm an old woman now, a married woman. But it's Emily. Yeah, my dancing days are over. Hey, you coming down to the pub? Hey, yeah. Okay. Huh? Yeah. And you know. Oh, yeah. Beautiful view overlooking the bay, isn't there? Stephen Connelly. We could go over the wall here. No, here. patron pêcheur, au village de Seven Churches. This is where he got it now, see? It's a spring, yes. People has them soaking there now for making pots, lobster pots. But he had a pump and he had pipes, steel pipes going up to the house. You pumped up the water. That's where he got the water. Yes. That's how it was got in every place in them days, you know. Yeah. You had to go with a bucket to the well. Oui, il avait connu Robert Flaherty. Enfant, il rejoignait souvent sa mère, qui a cuisiné pour les Flaherty pendant toute la durée du tournage de L'Homme d'Aran. Quand il avait 5 ou 6 ans, il jouait ici, autour des maisons. That's been another. It's nice to see another thatch roof going on it anyway, isn't it? Yeah. It's much nicer than put a slate roof on it. Seeing that it was thatch. It was thatch that was on it before as well, you know? The natural thatch. C'est Flaherty qui a fait construire ces chaumières jumelles. En pierre et en vrai chaume. Là, en haut de la colline qui domine la baie de sable blanc. C'était pour le film. Il y a tourné les scènes d'intérieur avec Maggie. Barbara, une des trois filles de Flaherty, a vendu les maisons. On les restaure maintenant. Peut-être pour faire un motel, dit-il en riant. Au-dessous, dans la baie, c'est là qu'il a tourné la pêche aux requins. C'est sur cette plage que Maggie ramasse le varech qui sert à fabriquer le peu de terre cultivable de l'île. Il a parlé de nous à Maggie Duran. Elle nous attend chez elle. I was once going over to Kilronan to make my chaplain. Un jour, j'étais allée à Kilronan pour rencontrer mon chaplain, comme je faisais souvent. En rentrant à la maison, j'ai rencontré Pat Mullen, qui était en train d'atteler son cheval pour aller je ne sais où. Et il m'a dit en irlandais, Maggie, I'd love to speak to you. One word. Il y a un homme ici à l'intérieur, il aimerait te voir, il aimerait te parler, rentre donc. There's man in here, and he'd love to see you, to speak to you. Come on in. Oh, mon Dieu, dis-je, oh, moi. Mon Dieu, dis-je. I what's the God to say, but this in the side I go in and, well, come on in, he said, and we'll have a cup of tea. Oh, rentre donc, il me dit, well, tu prendras bien une tasse de thé. It's nice to have the tea, he said, because I was rising and reaping that time. Bien sûr, c'était dur de refuser. C'était bien agréable de prendre une tasse de thé. J'en avais envie, et puis j'avais moissonné ce jour-là. Et comme ça, je suis entrée. And I went in. So, I drank the tea of it, and then he took a picture of me. Alors, j'ai bu le thé, et après, il a pris une photo de moi, et il me paya pour cette photo. Et j'étais contente de ça, parce qu'on n'avait pas grand-chose à ce moment-là. There was nothing going around at that time. No dole. There was a little bit dole, but not much. But I was glad to get it. So. Oh oui, j'étais contente. And when I came home, I didn't know anything. Nada. Next day, then they came over again. Ils revinrent. And they ils prirent à nouveau une photo de moi. Picture of me again. So then after that, then he asked me to go over. Et après ça, ils me demandèrent de continuer. So the children was small. Les enfants étaient petits. Mary in America, you know, she was only 3 months old at that time. It was pretty hard on me, but just the same. Et à cette époque, c'était dur pour moi. I did it. Mais quand même, j'ai travaillé pour des gens qui furent charmants avec moi. Robert J. Flaherty, Robert and Flaherty et David Flaherty. And his three daughters, Barbara, et les trois filles, Barbara, Monica et Frances. So then we started doing the picture. C'est comme ça que l'on a commencé à faire le film. On a travaillé. C'était dur, mais c'était comme ça. Je ramassais des algues. Je ratissais la terre. Je sortais un korak. J'entassais les algues. Je travaillais pour des gens charmants, des gens très très gentils avec moi. I started working then. It was hard, but it was a heavy work, but just the same, I was working for nice people. Drawing seaweed, making land, running around, out in a curragh, and going and drawing the seaweed, big heavy loads of seaweed. I was young and I didn't feel it, I believe. But I was working for nice people. They were very nice to me. And then when I used to come home then, I used to go over to the house and need 22 to eat and to drink, if you were able to bear it. And then I used to come home. I used to work some evenings over there too, some nights, like, with the lights too. Quand j'ai eu l'habitude d'aller chez eux, ensuite, je passais du temps dans leur maison. Il y avait beaucoup, beaucoup à manger et à boire, autant que vous étiez capable d'en avaler. Oui, j'avais l'habitude d'aller chez eux. J'y travaillais le soir et même la nuit tard, avec de belles lumières et... Oh, from morning to night. As if the day would be, if they wanted to change the weather always. And the weather was very bad. Plenty of rough weather, plenty of big seas. And the canoe then was brought away. It was rounded, like, broken. But thank God the men came safe. And then when it was shown, then it won the Mussolini Cup. It was, plenty of pictures were shown in the new gallery in London that time, and the picture Man of Iron won the first prize, Mussolini Cup. On travaillait du matin au soir. Cela dépendait des jours. Parfois, on changeait à cause du temps. Et le temps était très mauvais. On a eu toujours une grosse mer. Le canot a été emporté, puis rejeté et brisé. Mais Dieu merci, les hommes sont revenus sains et saufs. Ensuite, quand on a montré le film, il a gagné un prix. Il y avait plein de films présentés à la Nouvelle Galerie de Londres à ce moment-là, et c'est le film « L'homme d'Aran » qui a gagné le prix. Une grande, grande coupe. After the picture was made, then about a year or so, I went to America. I went to London at first with the film, yes. And then I went to America the first time, and new gallery on London, the picture was shown at first. Then we went to New York. Quand le film a été fini, un an après environ, je suis allée en Amérique. Je suis d'abord allée à Londres avec le film, oui. Puis nous sommes allés à New York. Flaverty en irlandais, ça veut dire quelqu'un qui se comporte comme un prince. Ça, c'est le sens du nom. Fla en irlandais, c'est prince. Va-ti. Ça, c'est les autres particules qui veut dire qui se comporte comme un prince. Peut-être il s'est ruiné en faisant des dépenses folles, qu'il était fameux pour sa hospitalité. Ou peut-être de l'autre côté qu'il était arrogant ou je ne sais pas quoi. They were out hunting a shark, trying to get a shark. Ils étaient sortis pour chasser le requin. Once or twice. But this day, ils en ont pris un énorme. Oh, it was very dangerous. Il était très dangereux. It was very, very dangerous. Il a presque retourné le corac et le bateau. They had a boat. Quel était donc le nom de ce bateau? John Summers. They were out in John Summers Lake. They got that boat and then the Corach with it. Oh my God, they went out in the Corach and they got the shark. Oh Lord, it was very dangerous. Le Corach a failli aller par le fond. Down the Corach. And then they brought in that. And ensuite, ils ont réussi à sortir le requin. They had a big boiler over on the et après, sur le quai. Over there on the quay. On the harbor over there. Là, dans le petit and port là. They were to coil out the shark. On a fait bouillir le requin pour en tirer l'huile à lampe. You can see that in the picture yourself too. Yeah. That was very dangerous. There was a big stone there and he was searching breaking it. Yeah. So il y avait deux gros rochers et il était en train de chercher des fissures dans ceux-ci. Alors Robert Flaherty me demanda si je pouvais chanter un petit bout de chanson. Shul agushul agushul ra shul. That's when he was hammering down like that. I had to do that. What age were you when you were in the film? Around about 32. Around about, I would say so. Because we don't know our age, Harry, here at all. À ce moment-là, j'avais à peu près 32 ans. À ce moment-là, on ne connaissait pas vraiment notre âge. It is, everyone knows that. You have come to love your birthdays now. On n'était pas très au courant des années. When I went in and Maintenant, tout le monde connaît son jour de naissance. Moi, je ne le savais pas. Je l'ai su à la mort de mon mari. Quand j'ai voulu obtenir une pension, j'aurai 84 ans le 23 octobre 1983. And you'll give my best up love and sweet regards to Barbara, to Monica, and to Frances, if you'll see them. Three daughters, very, very nice girls that Robert J. Flaherty had. Well, the future I see it at the moment is bleak. Il n'y a pas d'avenir sur l'île. Do you feel forgotten? We do. Very much so for the last few years now, because the young people are inclined to stay at home. Partent. But how can they stay at home when there's no factory? Il pourrait y avoir une industrie du poisson. Here, of some type, whether it be shellfish or whitefish, or and give employment to the young people to keep them at home. Nothing else can you can do on an island. Il n'y a que le tourisme ici. The tourists, and everybody cannot go after the tourists, you see. Montréal, septembre 1983. John Maloney enregistre au studio 12 de Radio-Canada la chanson de Maggie. Montréal, Gilles Marsolet, auteur de L'aventure du cinéma direct. Dans la mesure où, justement, Flaherty voulait mettre en valeur, disons, comme il le disait lui-même, la majesté première et l'originalité de ses peuples, dont tant que c'est encore possible, justement, de le capter avant que ça disparaisse à tout jamais, ben oui, effectivement, je veux dire, le passage à l'épique est presque, je dirais, inévitable dans la mesure où il cherche à magnifier la grandeur de ces gens-là, à mettre en valeur leur génie inventif et tout ça. Et ce caractère épique, bon, évidemment, peut se traduire à travers une montée dramatique ou se faire à un niveau plus quotidien et à travers les gestes quotidiens et l'accumulation, donc, d'exemples, de gestes exemplaires qui mettent en valeur justement, le génie de ces peuples-là. Mais non, c'est-à-dire que dans le cas de Flaherty, moi j'ai bien dit qu'il faisait aussi une mise en scène documentaire en définitive. Bon, je pense que le mot « mise en scène », il faut le mettre entre guillemets, parce que ça fait référence évidemment à toute une tradition dramatique, bon. Je pense qu'il faut plus parler de mise en situation définitive. Bon, il est clair que Flaherty ne provoquait pas, je pense, tellement les événements, comme l'ont écrit tous les critiques. Bon, finalement, il attendait, il mettait sa caméra, il attendait que les choses un peu se passent, ni plus ni moins. Bon, c'est dit grossièrement. Parfois, ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait, il y a toujours une mise en situation lorsqu'on fait du cinéma, de toute façon. Bon, même le cinéma de Rouche, un cinéma de mise en situation, de départ, c'est indispensable, je pense, pour qu'il y ait l'effet cinéma, de toute façon. Tu sais, c'est... Mais de là à dire que c'est un cinéma de fiction totalement fabriqué, non, je suis pas d'accord. Bon, et puis, c'est ce qui est important, c'est, je pense, le degré, disons, de vraisemblance, ou d'authenticité en définitive qui se dégage de ça. Je pense que l'important, c'est de voir le rapport qu'il y a au niveau de l'authenticité qui fait que finalement, c'est un témoignage qui est valable ou qui n'est pas valable sur la vie de ces gens-là. Bon, c'est tout. Le reste, je veux dire, on sait toujours qu'une part, il suffit d'avoir fait un petit peu de cinéma bon, pour voir, d'avoir travaillé un petit peu au niveau du montage et du mixage, de la bande sonore et tout, pour comprendre qu'il y a, forcément un niveau de fabrication, de manipulation qui intervient à un niveau ou à un autre. Bien sûr, un cinéaste arrive toujours avec sa subjectivité, l'image qu'il perçoit, lui, de la communauté qu'il va filmer. Puis ensuite, je pense que c'est là qui fait qu'un film est honnête ou pas, c'est en fonction de sa réaction par rapport à ses idées préconçues qu'il pouvait avoir, dans la mesure où il les abandonne pour effectivement essayer de cerner au plus près possible la vérité de ces gens-là. Bon, mais il reste que c'est toujours, évidemment, encore là, il y a toujours une dimension interprétation, parce que c'est un jugement qui est porté par un autre être, évidemment, qui a aussi tout son passé et qui juge en fonction de son passé. Donc, il est certain qu'à ce moment-là, il y a une dimension de subjectivité, on y revient toujours, que dans ce type de film-là, mais ça n'en fait pas pour autant des êtres de fiction, tu comprends? « 1935. Flaherty est en Inde. Il co-réalise Elephant Boy avec Zoltan Korda. »« 1939. Il rentre aux États-Unis. » »« 1940. Il prépare La Terre, un film commandité par le gouvernement Roosevelt. » Vous savez, l'arrivée à New York, c'est une chose très impressionnante. Et puis c'est très beau l'arrivée à New York, ça ressemble à un Claude Monet. Très souvent, le ciel est un peu rose, et les maisons, les gratte-ciel se perdent un peu dans cette brume rose. C'est un peu comme un rêve, c'est extraordinaire. C'est comme un bateau, New York. C'est une île, n'est-ce pas? Une île plate. Et puis alors, il y a cette grande entrée de la rivière, de Hudson River, de l'East River, avec des bateaux qui vont, qui viennent, qui sifflent, qui font du bruit, n'est-ce pas? Des bruits de machines, des grues, n'est-ce pas? C'est un spectacle très extraordinaire. La même année, il obtient un visa pour Jean Renoir et l'accueille à New York. En arrivant à New York, j'ai appris une chose, c'est que cette invitation aimable de me donner un visa du gouvernement américain venait de mon ami Flaherty, Robert Flaherty, le grand auteur de films, qui avait parlé de moi aux gens officiels qui s'occupent des passeports et des visas et qui avait fait remarquer que je risquais d'être ennuyé en restant en France avec les occupants. Alors, c'est grâce à lui, n'est-ce pas, que j'arrivais en Amérique, il m'attendait sur le quai, et il avait l'air extrêmement préoccupé. J'avais un chapeau à la mode française, c'est-à-dire un chapeau qui, à cette époque-là, avait des tout petits bords. Et Flaherty avait un chapeau à la mode américaine, c'est-à-dire avec de très grands bords. Et mon chapeau lui semblait ridicule. Et c'est ça qui le gênait. Aussi s'est-il précipité sur moi et m'a dit, écoutez, Jean, vous ne pouvez pas garder ça, c'est grotesque. Il a pris mon chapeau, il l'a acheté dans le port et il m'a donné le sien. Flaherty travaillait plus ou moins pour le gouvernement américain. With our fabulous machines, we can make every last acre of this country strong again. With machines, we can produce food enough to feed the world. But what about the people? L'administration de Roosevelt était extrêmement favorable à une sorte d'éducation par le film et croyait à la propagande par le film. Or, à ce moment-là, les réalisations étaient achevées, mais il y avait encore une lutte assez forte contre les réalisations, disons le mot socialiste, de Roosevelt. Par exemple, le grand barrage de la vallée du Tennessee et le fait que, autour de ce barrage, les terrains récupérés et les terrains assainis et les terrains mis à l'abri des inondations avaient été mis à la disposition de fermiers qui n'avaient pas l'argent pour s'acheter des terrains eux-mêmes et à qui on donnait le terrain, une maison, les outils et tout ce qu'il fallait pour partir. Alors, le gouvernement Roosevelt pensait qu'il pouvait expliquer l'utilité de certaines de ses réalisations par le film et à ce moment-là, Flaherty préparait un film sur la culture mécanique des champs. Septembre 1983, Montréal. Réaction d'Arthur Lamotte, cinéaste, à la projection de The Land. La démagogie. La démagogie. Les champions. Colts. La Marne. Démagogie. Ça, c'est l'ignorance et la démagogie. Et c'est répandre l'ignorance. Bon, c'est tout. Le spirit of America. Jamais un mot sur les causes économiques, jamais un mot d'ailleurs sur les causes techniques, jamais un mot sur le faire reproduire le sol à tout casser, sans penser à la structure du sol, à renouveler. Il y a des choses techniques, le sol, quand il y a l'érosion, il y a des choses techniques, quand il met du fumier, de l'engrais, si tu mets de l'engrais chimique, puis. Blé sur blé, blé sur blé, hop, tout le mieux s'en va, hop. Bon. En Europe, on a travaillé le sol depuis 4000, 5000 ans, et puis on n'a pas d'érosion, parce que les gens qui cultivaient le sol n'ont pas pour faire de l'argent très rapide, mais en le conservant. Les fermiers américains aussi, ils voulaient faire de vite de l'argent. En faisant vite de l'argent, c'est ce que tu obtiens. Puis pas un mot, pas un mot, pas un mot, pas un mot, pas un mot, pour sur la structure, parce qu'il y a des problèmes précis. Quand tu travailles comme en Abitibi, quand tu travailles des sols qui ne sont pas doués à l'agriculture, qui n'y a pas d'humus dedans, qui a une couche d'humus à peine superficielle, quand ça se lave, hop, il te reste le sable, ça s'en va. Il faut dire ça. Autrement, tu fais de la démagogie. C'est des trucs qui cultivent l'ignorance et la sensibilité, la sensiblerie. On sait très bien comment Flaherty transformait les choses pour faire des images qui servaient à ses fins. Je préfère de beaucoup. J'aime beaucoup les fictions. La fiction. C'est que la fiction est plus réelle que cette démagogie. Par exemple, le film que j'avais vu avec, qui était le... Les raisins de la colère, c'est une grande fiction. Et c'est vrai. Cette fiction est vraie. Tandis qu'il n'y a qu'une démagogie bondieusarde qu'il y a là-dedans. Et d'ailleurs, c'est comme Nanoukov, non, non, on sait très bien que ça peut être tourné là. Il s'en foutait de la réalité. C'est comme Cousteau. Bon. Que la baleine soit la mère ou le père ou le papa ou qu'elle soit de n'importe où, peu importe, pourvu que ça fasse, que ça émeuve le monde, que ça fasse pleurer le monde. C'est des gars qui... Alors là, ils vont à mort, cultiver d'émotions, hein. Tout ça. Ouais. Il y avait la musique au niveau des tripes et des images qui marchent. Tourner le regard vers l'est. Quand on va, ils étaient tournés vers là. Tu sais, le couple qu'on a trouvé, il choisit les gens exactement pour avoir l'image qui fera son opéra. Mais ça, c'est se servir de ce... Bon, ouais. Moi, je pense qu'il y a des problèmes d'éthique là-dedans. Mais je pense que, bon, Arthur, essentiellement, a raison dans son analyse. Mais il reste qu'il y a des images qui dépassent tout ça, je pense. Même aujourd'hui. Maurice Bulbulian. Encore une fois, c'est pas replacé dans l'époque. Tu juges ça par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est évident que c'est pas, on travaille pas, on traitera pas le même sujet de la même manière aujourd'hui. Mais si tu replaces le film dans son contexte, je pense que c'est autre chose. T'en as une autre vision, d'après moi. Je pense que c'est trop facile de poser les jugements que tu fais là, par rapport à 40 ans de distance. Mm. Sans tenir compte du contexte de l'époque, sans tenir compte de comment on faisait des documentaires à l'époque. Des documentaires à l'époque, je dirais toi, il y en avait... Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais la production était assez basse. Il y avait l'école britannique. Oui. L'école britannique... Et puis le restant, ben, c'était du cinéma qui était entre les mains du gouvernement pour faire de la propagande. C'était même clairement avoué. Mais toi, tu te sens aucune parenté avec Flaherty et avec ce genre de cinéma? Avec ce cinéma-là, non, parce que c'est un cinéma. Tout cinéma va manipuler, c'est vrai. Mais... c'est un cinéma sans ambiguïté. L'absence... Non, je ne sens pas beaucoup de parenté. Je me suis senti beaucoup de parenté avec le cinéma de Joris Ivens, par exemple. Le cinéma de Joris Ivens, parce que sûrement... Bon, à la même époque, le cinéma de la même époque. Joris Ivens, ça, j'aurais aimé avoir fait les films qu'a fait Joris Ivens. Et c'est ça, non, je ne serais pas fier. Moi, je te dis ça comme ça, brûle de pourpoint, je ne serais pas fier. Ça, c'est pas ton avis, ça, par contre, Maurice. Pas tout à fait. Non, moi, j'aime pas être aussi catégorique. Je pense qu'il y a des choses... C'est sûr qu'il y a des choses là-dedans que j'ai aimées dans le temps. Bon, je revois ça aujourd'hui, et puis ça provoque pas évidemment la même émotion. Mais je trouve que ce que ça a provoqué, c'était quelque chose de bien à l'époque. Et bon, peut-on en demander davantage, t'sais? Peut-être. Voir ça avec, je sais pas moi, 15 ans de cinéma derrière soi, c'est peut-être autre chose, c'est vrai. À l'époque, quand il n'y avait pas d'autre chose que ça pour moi, ça m'a vraiment touché. ...1948. Robert Flaherty termine Louisiana Story. Son dernier rêve. Le son synchrone. La parole vivante. Et la musique de Virgil Thompson. Ce à quoi Flaherty pensait surtout, c'était à Louisiana Story, c'était à l'histoire de Louisiane. Remarquez qu'il donnait tout son cœur. Naturellement, c'est un homme qui ne savait rien faire à moitié. Il se donnait à tout. Alors il se donnait tout entier à la réalisation des films sur la politique agricole du gouvernement. Mais il pensait à la Louisiane. Il avait été en Louisiane beaucoup. Il adorait la Louisiane. Il adorait le parler français, le parler bayou des habitants. Il adorait ses marécages avec ses serpents même et les petits crocodiles et tout ça, n'est-ce pas? Et il rêvait de l'histoire de Louisiane et il m'en a beaucoup parlé à ce moment-là. Story, mais ça c'est tout à fait différent. Là, pour moi, ça c'est, je le prends moi carrément pour un film de fiction. Je le prends pour un film de fiction pour son côté finalement carrément mise en scène, volonté de démontrer une thèse qui finalement c'est quoi si on le regarde, c'est montrer les bienfaits de l'arrivée de la technologie, qui est le pétrole. Bon, les bienfaits de l'arrivée de la technologie dans les bayous de la Louisiane. Bon, c'est quand même énorme comme propos, tu sais, qu'on fait passer. Et puis, ce que je dis, donc, que c'est un film de fiction, c'est au niveau, justement, de sa mise en scène, de sa fabrication, du travail incroyable qu'il y a au niveau de la trame sonore, de l'image et de la jonction entre les deux. Non, pour moi, quand on revoit ce film-là, si on voit Nanook, puis tout de suite après Louisiana Story, enfin, c'est l'eau et le feu, non, c'est pas le même cinéaste, presque. Dans Louisiana Story, c'est quand même beaucoup plus fort. Là. C'est quand même un film qui a été, je crois bien me souvenir, commandité par les compagnies de pétrole, bon. Donc, de toute façon, Flaherty, si on regarde sa carrière en 30 ans de carrière cinématographique, il y a 4 films en définitive dont il peut revendiquer la paternité totale et entière de part en part. Bon. Et dans tous les cas, ça a été des films de commande. Bon. Ce n'est pas le fait que ça a été un film de commande qui m'agace, mais j'ai l'impression, non seulement j'ai l'impression, mais j'ai la certitude là-dedans qu'il s'est peut-être laissé happer un peu plus là, par l'effet commande, si on veut, au point d'en faire un film visant à montrer qu'en définitive, l'implantation du pétrole, le développement de la technologie et tout, ben, c'est très bien. Bon, tout en laissant entendre qu'en définitive, malgré tout, le mode de vie des gens, donc des bayous, sera préservé. Bon, c'est un peu ça, finalement, le message du film. Et j'ai l'impression qu'il a pris, finalement, des moyens dramatiques, finalement fictionnels, en fin de course, pour épauler cette thèse-là. En tout cas, moi, ça m'apparaît évident, en tout cas, au visionnement du film, par son niveau de fabrication à tous les stades, au niveau du tournage, du montage, du mixage, à tous les niveaux. Ce qui est moins évident, disons, pour Flaherty, pour Nanook, au niveau du tournage, on sent beaucoup moins, en tout cas, cette mise en scène, au sens propre du terme. C'est plus une mise en situation pour en tirer parfois des effets marrants, bon, que j'appelle des effets pédagogiques, si on veut. Alors que dans Louisiana Story, c'est tout à fait d'un autre ordre. Dans ce cas-là, il avait probablement une idée préconçue, oui, donc, et puis c'est pas malhonnête de, si ça correspond à ce que lui pense, bon, de le dire et de prendre les moyens pour le dire, tu sais, pourquoi pas. À ce moment-là, tous les films militants, c'était des films malhonnêtes. Gilles Marsolet. La musique de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Persistance Bayou. Madame, bienvenue. Borman, c'est de Joseph Boudreau, tu sais. Hein? C'est fou, moi, c'est comme si je l'avais vu hier. Je l'ai pas vu beaucoup, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Michel Brault. La tour. Est-ce que c'est la voix de Flaherty, ça? Oui. C'est calme. Hein? Octobre 1983. Cinémathèque québécoise. Michel Brault, caméraman, cinéaste, un des principaux artisans du cinéma direct québécois, révélé au séminaire Flaherty en 1957. Là, tout à coup, tu revois un film qui se rattache seulement au tout début de mon éveil cinématographique. D'ailleurs, moi, j'ai vu ça à une époque où la technique m'a intéressé avant le contenu. C'était quand moi j'ai connu la famille Flaherty, c'était Mme Flaherty, parce que en 57, je suis allé au premier séminaire Flaherty. Mme Flaherty a organisé chez elle la Brattleboro après la mort de son mari pour perpétuer la méthode Flaherty, apparemment. Puis à cette époque-là, il était vraiment pas question de politique. On ne faisait pas du cinéma avec des préoccupations ou des arrière-pensées politiques. On faisait du cinéma d'abord pour découvrir la machine, puis en plus aussi un peu pour briser la machine qui était assez académique. Et puis des visions fraîcheurs comme Flaherty, c'était formidable pour moi. Hello there! Bonjour, monsieur. Where'd you come from? Over there. On a peut-être été un peu, tous un peu naïfs. Mais finalement, le cinéma lui-même est devenu un instrument qui a dépassé la préoccupation de Flaherty. Au village, je portais quelques affaires. T'as bien fait, on avait besoin des grosseries. Je portais quelques cadeaux là aussi. Tu t'es comporté au village? Oh oui, mais bien comporté. Rapproche pas qu'elle, donne-la à ta mère. Oui. Là, tu l'as, là. Donne-y. Vas-y, avale la mère. Oh, ça, c'est beau. Justement, ça, j'avais besoin. Tu l'aimes? Oh, oui. Tu sais, à cette époque-là, c'était la découverte de la spontanéité, la découverte de... Non. De l'image, la découverte de l'usage des caméras, la caméra, les gens qui parlaient leur vrai langage, tu sais, tout ça, c'était étonnant pour nous. C'était comme une espèce de premier son direct, si tu veux. J'ai vu l'ombre d'un micro, je crois. Comment t'aimes ça? C'est beau. Pour moi, ça? Ah, tu crois que c'est pour toi? Ouais. Tiens. Pour moi, vrai, ça? Oui. Vrai, c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Ah, ça, c'est beau. Ça, je suis sûr que la séquence dans la cuisine, c'est complètement synchro. Je me demande si ça n'a pas été fait avec un disque. Flaherty, c'est vraiment pas le père du documentaire. Parce que ce que je connais de Flaherty, puis ce que sa femme nous a raconté, moi, je pense que c'était d'abord un conteur. C'est un conteur qui a voulu raconter des histoires. Puis il paraît qu'il était d'ailleurs très bon pour raconter des histoires de vive voix. Et puis sa position dans le cinéma, son influence, il s'en foutait, il s'en balançait. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était des films. Pourquoi? Pour témoigner d'un enthousiasme, de son enthousiasme pour des gens, pour des peuplades, pour des groupes ethniques. Ou des... Il voulait témoigner de ça, puis il voulait le raconter. Puis, sa première réaction, ça a été de le faire avec les gens eux-mêmes. Et c'est pour ça, c'est de cette espèce de souci-là qui est née la confusion avec le documentaire. Parce que moi, je trouve que le documentaire, il ne faut pas le servir, ce mot-là, il ne faut pas le servir à toutes les sauces. Dans le mot documentaire, il doit y avoir un certain élément de souci, d'authenticité, de vérité. Donc, tu ne peux pas te faire de la fiction. Là. Ce qui n'est pas au détriment ni de l'un ni de l'autre, à mon avis. Non! Au début, ce qui nous a stimulés, c'est de voir qu'on avait un père qui avait déjà fait ça avant. Il avait cassé des barrières, il avait cassé des académismes, des façons de faire des films, de faire du montage. Comme Rouch a fait, lui, avec Moins Noir, qui a donné naissance à la Nouvelle Vague. Rouch a mis bout à bout des films qui, selon la grammaire, ne devaient pas se faire. Et puis, quand on voyait ça, on disait « Ah, ben oui, c'est vrai, on peut le faire. » Pourquoi est-ce qu'on hésite? Allons-y. Puis, d'une certaine façon, Flaherty a fait un peu ce que Rouch a fait. C'est lui, ça? Le joueur de violon. Est-ce qu'il m'a compris? Oui. Quand j'ai fait le son des Français d'Amérique, le qu'on est allé en Louisiane, j'ai jamais pensé à Flaherty à Louisiana Story. Mais c'était présent dans mon esprit. Tu sais qu'on va filmer, là? André Gladue, cinéaste québécois. Vous avez apporté votre violon? Oui. Okay. Auteur avec Michel Brault de la série Le son des Français en Amérique. Vous ne faites pas rien de jouer une danse à la galerie? Yeah. Une danse ou deux? Okay. Depuis 1971, il tourne régulièrement en Louisiane. Qu'est-ce que c'est votre premier nom? Moi, c'est Calvin. Calvin. On a beaucoup de carrières chez nous. Je suis neuf, hein? Oh, ouais. On a beaucoup, beaucoup. Et la Louisiane, pour toi, c'était quoi à ce moment-là? Ben, c'était une espèce de quête. C'était une extension d'espèce de quête de notre identité qu'il y avait au Québec. C'était ça pour moi à l'époque, d'une façon bien intuitive. Mais quand tu dis que Flaherty était peut-être plus présent que tu ne penses à ton esprit. Mais c'est parce que je me suis rendu compte après, là, puisqu'on en parle, là, que cette espèce de sentiment de voir le petit gars dans son milieu, qui est bien à lui, ses habitudes, son raton laveur, ça m'a beaucoup frappé, ça, le raton laveur qu'il avait. Et après, beaucoup plus tard, 15-20 ans après, j'ai eu toutes sortes d'informations sur la Louisiane, on les appelait les counas là-bas, qui veut dire littéralement cul de raton laveur, quoi. Et c'est une expression qui a été utilisée par les ingénieurs et techniciens du pétrole texans. Les rednecks, ceux qui se promenaient avec une cravate puis une chemise fermée, ils venaient le cou rouge. Les Cajuns les appelaient les coups rouges. Eux, ils appelaient les Cajuns « counas ». Parce qu'ils avaient l'habitude, surtout dans la région des marécages en bas, là, où on a comme un petit peu figé le mythe Cajun, parce qu'ils ne vivent pas que là, ils vivent en forêt, ils vivent dans les prairies. Mais alors, eux, se promenaient dans les marécages, et le raton laveur, c'est toujours où le terrain est ferme et où il est mou. Alors, pour ne pas s'enliser dans les sables mouvants ou dans les endroits où les marécages sont profonds, ils traînaient un raton laveur avec eux. Je crois qu'ils avaient appris ça des Indiens. Alors, les premiers Texans qui sont arrivés là, ils voyaient toujours ce monde-là nu-pied, qui avait des hillbillies, des gens perdus, avec un raton laveur sur l'épaule. Et évidemment, ils lui disaient « You're a coonass ». Et c'est resté sous une insulte. Ça veut dire la même chose que « frog » pour nous, que « canuck » pour les gens de la Nouvelle-Angleterre ou que « French pea soup ». C'est toujours le même personnage qui nomme les indigènes à sa façon, quoi. Ça m'est resté, tu vois. Et quand je suis allé, moi, en Louisiane en 71, avant « Le son des Français d'Amérique », pour le film « Le Ril du Pendu », t'as beaucoup plus intuitif, d'ailleurs, que la série, j'y allais avec une certaine rage, même après, parce que Le principe à retenir pour n'importe quel peuple, c'est de jamais laisser les autres décrire ton histoire. Jamais, jamais, jamais, jamais. Il n'y a personne qui décrit l'histoire de quelqu'un d'autre dans un terme qui fait son affaire. Jamais. Quand on connaît l'histoire de la Louisiane, on sait très bien que l'acculturation des Acadiens de la Louisiane, des Cajuns, et la violence qui leur a été faite date des années 20. Ça date exactement entre les deux guerres, au moment où le système d'éducation publique s'est mis sur pied et où Roosevelt a dit « one language, one nation ». Donc tout ce qui était espagnol, français, amérindien, n'importe quoi, n'était plus question dans les écoles publiques. Il leur défendait de causer français, etc. Et en même temps, par hasard, un drôle de hasard, l'industrie pétrolifère rentre en Louisiane, tu vois. Ils commençaient le offshore drilling, qu'on appelle, c'est-à-dire les excavations, le forage dans le golfe, mais aussi sur la terre, dans les bayous, sur les terres des cultivateurs. Et ils ont rencontré ces gens-là, probablement. Ils ne pouvant pas parler leur langue, il fallait trouver des moyens pour leur faire comprendre que le progrès et le modernisme étaient intéressants. Et c'est tout arrivé ensemble, ça. C'est là qu'on a dit aux Cajuns, écoutez, bande d'indigènes, vous voulez être des Américains? You want to be a good American? Speak English. Je lisais des choses, j'entendais des gens parler de Flaherty, Louisiana Story, c'est que tant que tu l'abordes d'un point de vue ethnographique, ethnologique, anthropologique, alors on peut découper le film en petits morceaux puis dire comment que c'est bien d'avoir situé l'enfant enfin, et tout le reste de la communauté cajun dans leur milieu, etc. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ce point de vue-là? On passe pas notre temps à observer les autres dans un microscope. Ouais. Mais nous autres, en harmonica, on appelait ça une Norvine Babine. Ouais, mais ça, c'est la musique à Babine. Vous appelez ça la musique à Babine? Ouais, mais sure, la musique à Babine. Là, yeah, right. Il y en a qui vont l'appeler la musique à Bush, mais d'autres qui l'appellent la musique à Babine. Ah ouais, on est tout le temps connu par une musique à Babine. C'est bon, ça. OK, Astor. Paris? Okay. On va faire une deuxième. 123. OK, c'est la valse de la vieille traînante, ça. C'est, d'où ça vient, celle-là? Ça, c'est une vieille danse. Mon vieux grand-père chantait. Ça, c'est une vieille danse. Il jouait à les balles pour les autres danser. Vieille valse, on appelait. Mais ça, c'est ça, la valse. Moi, j'appelle Cahiette à pépère. Tu vois siffler, puis la jouer, puis la chanter? Ah ouais, je la sifflais. Je l'ai sifflé un tas des fois. Et là, je la joue et je la chante. La siffler, là. Regarde d'un strict point de vue, ils ont en priorité les gens, quoi, en Louisiane, les Louisianais eux-mêmes, les Cajuns francophones. Ce film-là, à mon avis, était un instrument qui a servi pour rentrer chez eux de la façon douce, quoi. Hein, sans trop d'heures. Parce qu'il a dû être montré en Louisiane. Cahiette en pépère à l'écrivée, dedans les clous des joubards, les quatre pattes en l'air, les quatre pattes en l'air et les cornes dans la tête, et la queue arrachée, dit qu'il n'y a dans vos frères. C'est tout ce qu'ils ont pu conserver de leur identité, de leur culture, comme beaucoup de Québécois d'ailleurs, c'est leur tradition orale. Comme disait Charlotte Cormier, là, qui est acadienne, elle dit « Des livres, tu peux les brûler, des instruments, tu peux les détruire », mais elle dit « Enlève-donc une chanson de l'esprit de quelqu'un ». Ah, oh, il dit « Je reviens, on va faire du tit, ça s'affra, pour manger avec du pain de maïs. Il dit, c'est la seule manière on peut les donner à manger. Quand je suis allé, moi, la Louisiane connue, c'était la Louisiane de Flaherty en bas, là, près de, du golfe. Celle avec les arbres, avec la mousse espagnole, les bayous et tout ça, tout le côté... Les alligators. Oui, oui, c'est ça, exactement. Tandis que la Louisiane des prairies, ben, c'est comme plusieurs États américains, quoi, c'est assez aride, et c'est des gens qui vivent pauvrement et tout, mais l'esprit était plus fort là, je trouvais, moi, que par en bas, tu sais. Et comme, dès que j'ai appris que tout le monde allait filmer en bas, ben, moi, je suis allé filmer en haut. Ça, ça fait partie de ma... mes réflexes, tu veux. C'est là que j'ai tourné. J'ai tourné avec des noirs puis des blancs aussi, les deux. Je trouvais que c'est tout le même monde. Ce qui est embêtant dans le cinéma, documentaire en particulier, c'est que c'est un regard sur quelque chose, pas vrai? Or, au départ, c'est une activité qui est très violente que d'étudier ses semblables. Et... je trouve qu'un cinéaste, c'est pareil. Un cinéaste qui fait du documentaire, c'est pareil. Quand tu jettes un regard sur quelque chose, tu juges les gens. Tu les juges pas dans les termes et la terminologie de la justice, mais tu les juges parce que tu t'en vas élaborer, c'est le cas de le dire, une perception d'eux qui est très limitée, en fin de compte, mais qui passe ça pour la vérité. Et il y a des cinéastes qui sont pas conscients de ça, du tout, du tout. Ils manipulent le cinéma comme ils manipulent une palette de couleurs avec des pinceaux, ils s'expriment. C'est dommage. C'est dommage. Ben, pas juste de s'exprimer, mais de s'en tenir qu'à ça. C'est dommage pour ceux qui sont filmés. Eh oui, parce que là, c'est pas juste un calepin, puis une tablette, puis un crayon HB qui est question, hein? C'est pas un modèle, quoi, qui est payé, d'ailleurs. Mm. Parce qu'au cinéma documentaire, les gens payent pas souvent les gens qui filment. Parce que c'est important, on parle d'eux. C'est le même procédé que la télévision. Flaherty les payait. Oui. Ben, laisse-moi te dire que c'est un bon côté pour lui. Très content d'apprendre ça, une certaine façon. Tu trouves pas que c'est dangereux de payer les gens? Oui et non. Mais pourquoi, quand un cinéaste arrive d'un endroit... Moi, j'ai entendu ça souvent. Et qui tient ce discours-là? Les anthropologues, les ethnologues, les ethnographes? Pas payer les gens. Ils demandent d'ailleurs des chansons, mais payez pas, vous allez les gâter. Pourquoi lui, l'ethnologue, il se gâte pas avec l'argent comme ethnologue? Quand il passe sa licence ou son doctorat et que son niveau de vie augmente. Et alors, il se gâte pas avec l'argent? Eh bien, pourquoi est-ce que le type qui chante devant lui va se gâter? Ça n'est un autre jugement qui me fait un peu chier, moi, ce genre d'affaires-là. Je te dis pas qu'il faut avoir des rapports uniquement d'argent avec les gens, mais il faut bien reconnaître quand tu filmes dans les années... pour ce qui est mon cas, les années 70-80, t'es pas dans les années 20 et 40. Les gens savent ce que c'est de la télévision, du cinéma. Ils savent qu'il y a de l'argent en arrière de ça. T'arrives avec des instruments de précision devant toi et tu leur dis, « Ah, vous savez, c'est pour aider la cause à Louisiane, je vais pas vous payer. » Non, moi, je fais pas ça. Jamais, jamais, jamais. Ça tourne. OK. M. Nakin, qui chante, qui siffle. Tu vas voir son espèce de vieille chanson qui siffle. Et qui est un musicien absolument incroyable. Son répertoire n'est même pas acadien ni cajun, il est français, lui. C'est resté du temps de la Nouvelle-France. C'est très, très beau. Un grand chanteur, il s'accompagne au violon. Je me suis assis un après-midi avec lui, puis on a fait la liste de ses chansons. Puis celle-là vaut 75$, celle-là 100, celle-là 25. Parce qu'il n'a pas d'autre moyen que ça pour me rencontrer. Je ne peux pas, moi, dans une après-midi, remonter l'histoire. Le faire à croire que moi, comme Québécois et cinéaste, je suis plus vertueux que les autres. Je suis beaucoup mieux que Flaherty, que Les Blanc et tout. Je ne peux pas faire ça. C'est malhonnête. Ça va? C'est que c'est des rapports toujours accélérés, le cinéma. C'est des rapports simplifiés et accélérés. C'est ça qui est... C'est violence en soi, tu sais. De vouloir tout savoir de quelqu'un très vite. Ah, ça va être là-dessus. New York, Pierre Perrault. J'ai dit à une certaine époque, et je pense que je le pense encore, que si, comme je vous ai dit tout à l'heure, Louisiana Story, c'est pas un film que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit, en le voyant à l'époque, que s'il avait eu les instruments qu'on a eus par la suite, il aurait fait la même chose que nous. Et à ce moment-là, il n'aurait pas eu besoin. C'est sûr que Flaherty se rapproche de l'homme. C'est l'homme lui-même qui l'intéresse et non pas sa représentation par des comédiens. Mais comme il n'y avait pas de moyen de le faire parler à cette époque-là à cause de la lourdeur des équipements, il a été réduit à cette façon de faire et qui avait des conséquences sur sa dramaturgie elle-même, de sorte qu'il a fabriqué des héros plus près du type hollywoodien que du type humain. Mais s'il avait eu cet outil-là, nécessairement, probablement, il aurait abandonné la chape de plomb qui est obligé de traîner puis de faire pour faire dire ou faire penser les personnages lui-même, et il les aurait laissés dire et penser eux-mêmes. Ça n'a pas plus de valeur, sauf que c'est un territoire inexploré et qui, moi, me passionne, c'est tout. Je trouve ça passionnant d'explorer ce territoire-là avec les outils, avec cette mémoire fabuleuse, de sorte que je puisse partager ce que j'ai entendu et en garder mémoire. Parce que tu sais toi-même, quand on a enregistré quelque chose, on a gardé une impression qui est très vague par rapport à ce qu'on a enregistré. Et quand on l'écoute, on voit des millions de choses qu'on ne voyait pas autrement. Donc c'est un instrument puissant qui va servir à quoi? À regarder la Lune, j'en sais rien, mais c'est simplement cet instrument-là qu'on explore actuellement. Il le renaturait, le monde. Il le mettait en place pour faire ses images. Il s'en rendait peut-être pas compte. Il est certain que je deviens peut-être flaherthien au montage. Ça veut dire qu'au tournage, je laisse libre cours à ce qui se passe devant moi. J'interviens dans la mesure où je me situe, mais c'est les gens qui sont les rois et maîtres de leur être. C'est pas moi qui leur dis de s'asseoir là, c'est pas moi qui leur dis de dire telle chose, surtout. C'est pas moi qui leur dis de faire semblant d'attendre. S'ils n'attendent pas, ils feront pas semblant d'attendre et ça m'intéresse pas qu'ils fassent semblant d'attendre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils attendent et là, je les photographierai en état d'attente. Mais par la suite, au montage, c'est bien sûr que là, j'interviens dans la mesure où je fabrique un montage qui soit une écriture ou qui donne comme résultat un récit. C'est-à-dire que je mets en place les choses de telle sorte que un spectateur, avec son intelligence, va pouvoir avoir de l'ensemble de mon tournage une vision qui me paraît la plus près possible de la réalité. Mais c'est moi qui décide que je vais mettre tel plan côté de tel autre. Je te dis, s'il avait eu l'équipement qu'on a, il aurait fait comme nous, probablement. Il n'aurait peut-être pas fait ce que moi je fais, il aurait peut-être fait ce que Leacock a fait. Mais il aurait quand même utilisé cet équipement-là parce que c'est ce qui permet au cinéaste d'être le plus près possible de l'homme. Et on voit bien dans Flaherty que c'était sa tentation. Flaherty, je dois vous dire, vous emballait, n'est-ce pas? C'était un personnage qui vous entraînait avec lui dans les rêves les plus insensés. D'autant plus insensés que ses rêves étaient tous basés sur la réalité, puisque c'était avant tout un grand observateur. On ne peut pas penser à lui sans penser d'abord à ses générosités. Je n'ai jamais vu Flaherty sans être entouré de 20 personnes. Il faisait partie d'un club à New York, un club de vieux New-Yorkais, surtout d'artistes et quelques acteurs, quelques journalistes, n'est-ce pas? Et dans ce club, il avait sa table. Et sa table était une immense table ronde de plusieurs mètres de diamètre. Il était constamment à cette table, n'est-ce pas, et avec une foule tout autour de la table, les chevaliers de la table ronde. Et là, c'était à qui apporterait quelque chose de nouveau, que l'on commandait à la cuisinière du club. Je me rappelle qu'un jour, je lui ai apporté du vin de Gamay de Californie, qu'il ne connaissait pas. Et alors, ça a été une découverte insensée, n'est-ce pas? Ça s'est terminé par des chants, une beuverie. Et je pense à ce souvenir parce que, enfin, c'est un souvenir d'autant plus émouvant que c'est la dernière fois que j'ai vu Flaherty. J'étais avec ma femme, Dido, et nous avons donc passé toute la journée dans ce club avec lui, enfin une partie de la journée, très agréablement. Nous avons parlé. Louisiana Story était terminée à ce moment-là. Et il en était très content. Et nous venions de le voir, nous étions très enthousiastes. Enfin, c'était un grand moment. Et puis, Flaherty devait prendre un train pour partir dans sa ferme. Il possédait une ferme dans le nord, dans le Vermont, à la limite du Canada. Un pays très beau, avec des arbres immenses, un pays qui lui convenait tout à fait. Un pays au climat violent. Vous savez, il fait très chaud l'été, puis il fait très froid l'hiver. Puis il y a de la glace, puis pas très loin, il y a des ours. Enfin, c'était tout à fait pour Flaherty. Et alors, il allait quitter New York pour regagner sa ferme du Vermont. Et alors, on l'accompagnait un peu dans la rue. Il connaissait très bien New York et il avait la manie de ne pas prendre les rues, mais de prendre des couloirs de maison communiquant avec d'autres couloirs de maison donnant sur la rue suivante. Il s'engageait dans ces dédales. Alors, nous l'avons suivi avec ma femme et puis nous avons débouché brusquement en plein soleil en sortant de ces couloirs sombres. Et puis, il a dit non, je suis trop pressé, ne venez pas avec moi, j'ai un taxi. Il a arrêté un taxi. Puis, il a disparu là dans la foule comme ça et on ne l'a plus jamais revu. Robert Flaherty meurt le 23 juillet 1951. Je pense que effectivement, c'est normal que les fils se défendent d'avoir des relations avec leur père et tout. Il y a une dimension psychanalytique à tout ça. Que des gens comme Perrault ou Brault refusent ce genre de paternité, je le conçois assez bien. C'est pour ça que finalement la filiation avec Flaherty, c'est beaucoup plus finalement un point de vue de théoricien en définitive ou d'historien du cinéma qui cherche à montrer qu'il y a une sorte de filiation naturelle dans toute l'histoire du cinéma, puis ça c'est normal. Et moi ce que je disais un peu dans mon livre, c'était en définitive que Vertov et Flaherty étaient pour moi des sourciers, c'est-à-dire que des gens qui avaient été à l'origine de quelque chose, d'un mouvement qui s'était trouvé occulté ensuite par l'histoire officielle du cinéma, et qui tout à coup a refait surface à l'occasion d'un développement technologique vers les années 60. Et c'est dans ce sens-là que je disais qu'ils étaient des sourciers à ce niveau-là. De là à dire que, Brault et Perrault, finalement, se sont inscrits dans le sillage de Flaherty et tout, là, dans son long charlie, puis on... je pensais beaucoup aller trop loin, c'est tirer un peu la théorie par les cheveux, si on veut. Brattleboro, Vermont, le 15 septembre 1983. Cher Monsieur Lafont, je vous remercie de votre lettre. Je crains que je sois encore en tournée avec la version sonore de Moana quand vous viendrez à Brattleboro en novembre prochain. Je serais très intéressé de prendre connaissance du travail que vous faites autour de l'œuvre de mon père. vous remercie de me tenir au courant. Au plaisir de vous rencontrer, peut-être. En toute sympathie, Monica Flaherty Frasetto. Brattleboro. This was the old railroad station, and it is now a museum. The museum, the exhibit starts here. This is Brattleboro in the past, and then it goes to the present, and then the future. Novembre 1983. Nous attendons Monica Flaherty depuis 2 jours. Nous visitons la ville. Flaherty, personne n'a l'air de le connaître. Au musée, tout au moins, il n'y a rien du tout. La gare est devenue un musée. Il pleut sur Brattleboro. Le dernier soir, Monica Flaherty nous accueille dans la grande ferme accrochée au flanc de Black Mountain. Silence de la nuit. Un feu dans la cheminée, un grand piano, une cabine de projection, des monceaux de films, des documents, des photos. Le patrimoine Flaherty. Elle refuse l'enregistrement. Brattleboro sans avoir brisé son silence. Ce matin, en attendant le bus pour Montréal, la première neige se mêle à la pluie. Il nous reste la fable, le cinéma. C'était Robert Flaherty, prospecteur et cinéaste, ou Le rêve d'un prince. Journal d'une poursuite. Un film radiophonique de Jean-Daniel Lafont. Aujourd'hui, deuxième partie. Moi, je voudrais bien, comprends-tu, qu'avoir des baleines volantes dans mes films ou des mammouths, s'il y en avait dans la réalité, si je pouvais y faire face. Mais c'est pas ça l'essentiel. Parce que c'est pas ça que je poursuis. Je poursuis la poursuite des hommes et non pas l'objet de leur poursuite. Participants. L'anthropologue Hassen Balixi. Les cinéastes Michel Brault, Maurice Bulbulian, André Gladu, Arthur Lamotte, Pierre Perrault. Les critiques Noël Birch, Louis Marcorel, Gilles Marcellet. Les témoins Stephen Conley, Patrick Cantwell, Maggie Diran, Claude Lafaille, Jan Maloney, Claire O'Flaherty, Mary O'Flaherty. Les voix de Jean Renoir, Robert Flaherty. Archives de la phonothèque de l'INA. Les lecteurs, Noël Birch, Babalou Hamelin, Geneviève Jacquinot. Extrait des films, The Land et Louisiana Story de Robert Flaherty. Debout sur leur terre, Office national du film du Canada. Le son des Français d'Amérique, les productions Nanook Films. Extrait des musiques de John Hassell et de Virgil Thompson. Participation. Ministère français des Relations extérieures. Coopération culturelle franco-québécoise. Radio-Canada. Remerciements spéciaux à Jocelyne Tournay, à Estelle Lafont, à la Cinémathèque québécoise. Groupe de réalisation. Claude Beaugrand, Philippe Bredin, Monique Burguière, Claude Giovanetti, Jean-Daniel Lafont. Production, atelier de création radiophonique, Radio France 1984. Cette émission a été diffusée la première fois le 10 mars 1985 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.